c'est alors on est de retour sur Web Radio Crochet. On avait oublié d'appuyer sur un bouton, donc en fait ça fait à peu près 7 minutes qu'on parle dans le vide. Mais bon, ça arrive même au meilleur. C'est le premier bug technique en 23 heures, on peut dire. Ça passe, c'est OK. Bon, je vous refais pas toute l'histoire, mais on a interviewé ceux qui ne sont rien. On les réinterviewera après. Et puis là, en fait, on va laisser, d'ici 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça, Thomas Capron jouer. Et ce sera en direct sur Web Radio Crochet. Je vous laisse avec Aerosmith pour le moment. Bah, c'est comme tu veux, il y a un truc qui s'appelle Audio Tree Live, où en fait, entre les morceaux, on pose des questions, donc du coup, ça peut être comme entre ça. Entre les morceaux, on pose des questions, d'accord. Si t'es chaud. D'accord, donc on va commencer par le premier morceau. Eh bah, vas-y. Alors, juste, quand même, moi, d'habitude, je ne joue pas à cette heure-là, déjà. Donc là, on va voir ce que ça donne, se réveiller en musique, parce que quand je dis oui, on m'a demandé, est-ce que j'ai trouvé que c'était sympa, mais après, j'ai réalisé qu'après, que c'était à cette heure-là. Je n'ai jamais joué aussi tôt de ma vie. Enfin, pas que je m'en souvienne. Bon, voilà. Alors, on va commencer par du chant Sébastien Bach, une petite partita, pour verrouiller un petit peu tout ça. Et on se retrouve après. Hein. Thomas. Ah, tu te sens comment après cette première fois? Je me réveille tout en jouant, donc c'est un peu... pas trop... Généralement, quand on joue à 7h du matin, c'est plutôt pour faire ses gaffes et dérouiller les quoi. Mmh. Donc tout est en train de se réveiller, là, le souffle, la colonne d'air, les doigts et le cerveau aussi. Ça fait beaucoup. Et ben, on te laisse dérouiller avec la suite. Là, on va prendre un... chant et danse d'Écosse, ouais, du 18e siècle, donc c'est un petit extrait. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas chanter. C'est des danses et des chants pour instruments, inspirés de mélodies d'Écosse, pour changer un peu l'univers. Je vais boire un petit coup quand même. Qu'on est en live depuis la conjuration du fond, on va faire un petit peu d'ASMR. C'est reparti. On apprécie la conjuration du fond. C'est très agréable. Un petit peu. Encore attention, ça change. à peu près une vingtaine de personnes qui te regardent. Oui. Tu es un petit peu encore dans le vague. est-ce que tu peux nous parler juste de ton instrument comment s'appelle-t-il? Donc un traverso, une flûte traversière, mais baroque. Mmh. Donc c'est l'ancêtre de la flûte traversière moderne, composée avec les clés. Et donc ça, c'est un instrument qui commence à être un peu développé et puis perfectionné à l'époque baroque. Donc c'est entre 1650 et 1750 la mort de Bach, pour donner une idée. Et c'était assez, assez répandu sous cette forme-là, en tout cas, en France et aussi en Allemagne. Mais en France, c'est vrai que ça a connu un certain succès. Il y a pas mal de ce qu'on appelle des facteurs, donc des fabricants, en fait, facteurs d'instruments, qui ont développé un peu la taille de la flûte, qui en fait avant était... Alors c'est... Ça tombe bien, j'en ai une là. Et voilà. C'était comme ça. Ça, c'est des flûtes Renaissance. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, la paire, c'est pas la même. Ça, c'est tout droit. Donc, ça, c'est des flûtes d'études. Elles sont en bakélite. C'est pas des poses. Mais c'est des copies, quoi. Et donc, du coup, là, c'est une flûte en... Il y avait des petites flûtes. Donc, flûte en la, flûte en sol. Et puis, ça se jouait en consort. Ce qu'on appelle des ensembles de flûtes. Donc... flûte avec, par exemple, il y avait des consorts de flûte avec. Et là, pas mal de consorts de flûte Renaissance. Et après, du coup, ils ont fait une paire conique pour avoir une précision et puis essayer de trouver une virtuosité plus agréable. Voilà, ils ont rajouté une petite clé pour faciliter certaines notes. Voilà. Ok, c'était une réponse très précise là. Ouais. Super, non, très bien. Je vais essuyer un peu. Vas-y, vas-y. Essuie. voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Oh, je suis chaud parce que on n'est pas tout seul. Hein. Les gens nous écoutent. Ça veut dire que c'est toujours une vingtaine de personnes et ça se rend plus. Mais après. Voilà. Donc là, c'était The Flower of Edinburgh, tout à fait. Et puis là, après, c'était Lady Mary Hayes Scotch Measure. Donc c'est comme, ça ressemblait un peu à une danse scottish. Très agréable. Très agréable au réveil, oui. Et là, j'y suis un peu parce que je crache dedans. En termes de litres de salive, du coup Eh ben normalement, il y en a moins. Et le matin, c'est pas facile. Parce que... Et ça demande une certaine... Je sais pas si vous avez vu, c'est très ergonomique. On joue de travers. Et puis l'embouchure, c'est pas très... Enfin, c'est pas comme une flûte à bec, où c'est un peu plus facile, quoi. Et là, ça demande notamment d'avoir une certaine souplesse des lèvres. Et il faut pas avoir la bouche trop pâteuse. Tu on te laisse continuer du coup. Oui, on va partir sur là-dessus. Alors là, on change de pays, c'est Telemann. Georges Philippe. C'est pour passer pas un pays Telemann. C'est possible, et je veux bien un thé bicool. Merci. Enfin, c'est ouais, là c'est chaud. La thé, c'est rapide. Donc Fantasy Telemann pour flûte seule. Thank you. Merci Thomas. Ce qu'on aurait bien voulu savoir, c'est déjà, si tu m'entends, si tu m'écoutes, c'est est-ce que, enfin, déjà pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à cet instrument-là en particulier, l'instrument avant? Est-ce que tu pratiques d'autres instruments? Moi, j'ai commencé par la flûte traversière moderne, donc normal. Ok. Et je dis normal parce que quand j'ai commencé, c'était pas hyper répandu, c'est parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà. Et donc du coup, un jour j'ai vu cet instrument-là, j'ai poussé la porte du professeur, enfin de la professeure de Traverso, c'était à l'école de musique de Dieppe. Ça m'a intéressé, ça m'a intrigué, du coup je m'y suis mis. C'est tout simplement ça. Ce que j'aimais bien, c'était la couleur boisée de l'instrument, puisque l'instrument, comment dire, la flûte traversière moderne, elle est en métal. Enfin, maintenant, il y en a en bois aussi. Et donc, du coup, le fait que ce soit en bois, ça m'intriguait, quoi. Donc, du coup, okay. Voilà, je suis mis à ça, uniquement. Ok, et du coup, là, tu joues tout seul, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où tu n'es pas tout seul? Est-ce qu'il y a des formations ou... Pas souvent tout seul, comme ça. Bah, c'est ça ma question, donc... C'est-à-dire que le répertoire pour flûte seule, c'est de la musique de salon, ça va pour le petit-déj, quoi. Parfait. Pour le thé, mais c'est vrai que c'est pas... ça se joue pas forcément en récital comme ça, c'est assez rare en fait, parce que c'est un répertoire un peu... C'est un peu intimiste, donc dans une salle de concert, ça se fait pas forcément, quoi. Okay. Ou pas souvent. Donc du coup, sinon je joue souvent, c'est avec les autres instruments de cette époque-là, donc il y a forcément le bois, le violon, le clavecin, la basse continue, les vielles, les viols de gamme, etc. Ok, on te laisse continuer. La basse continue, ouais, c'est le clavecin et la basse, c'est la basse de l'époque. Ok. Alors, un petit caprice, mais non. Donc pointe. Donc on se... je ne sais pas si c'est lui. C'est très radiophonique. Hein. Regardez le beau portrait. De Alors on décrit le portrait, on voit effectivement Quantz Caprice. Si vous tapez sur Google Quantz Caprice sur Google Images. Non, c'est une fantaisie aussi d'ailleurs. C'est une fantaisie presto, donc ça ressemble à un caprice. Ça, c'est justement, ça a été composé d'ailleurs pour la flûte seule, autant pour être joué comme ça, et aussi pour faire un échauffement. Après, on te demandera la différence entre fantaisie et caprice, mais on te laisse te chauffer d'abord. Alors, la différence entre Caprice, Fantasy... Moi, quand j'avais lu le petit flyer, je voyais partition, caprice, fantaisie, danse et chant. J'avais l'impression que c'était plus une manière de présenter les choses de manière poétique, mais du coup, t'as l'air de dire que c'est en fait c'est trop très technique. C'est l'intitulé des morceaux. Ok. La différence entre une fantaisie et un caprice, j'en sais rien du tout. Un caprice, c'est censé être plus chiant pour l'instrumentiste, étant donné que c'est plus compliqué. Ok. Voilà. Et la fantaisie. C'est plutôt dans le caractère de la pièce, quoi. Voilà. Mais je vais pas vous jouer un caprice là parce que ça va le faire. Ok. On va passer à la. Qu'est-ce que j'ai prévu Alors après, pour finir, que la change commence à m'achauffer doucement. Alors là, c'est du bois mortier. Voilà. Joseph Baudin de Bois Mortier. pièce pour flûte seule, avec une basse qui peut être. On peut rajouter une basse de temps en temps. Quelqu'un a une basse là. Non, donc on va pas le faire. Et alors ça. Des morceaux. Ah, parfait. Parce qu'il y a la mollesse. Dans le cadre d'une pièce de musique, il ne peut s'agir que d'une mollesse de caractère. Bon, bah, il y aura une mollesse à un moment dans le truc. Mais de caractère. Alors, donc tout d'abord, un petit prélude. Alors, le prélude, ça, forcément, comme son nom l'indique, ça introduit. La pièce dans la tonalité, d'autant que là j'ai changé de tonalité à chaque fois. Donc là c'est, je change de nouveau. Là c'est en Ré majeur. Thank you. crescendo, vous avez remarqué, il y a refrain, couplet. La mijaurée. Pas moi qui ai choisi. La mijaurée, c'est une sarabande. Merci Thomas. C'était des suites de danse en fait. Enfin, je cherchais ce que c'était. Et c'est pas des sonates pour instrument seul, mais là on est au début de la composition pour instrument seul à cette époque-là pour cet instrument-là. Du coup, il y a des danses associées à chacune des petites tournées. Alors, plus à cette époque-là. D'accord. Alors ça vient de la Renaissance parce qu'à la Renaissance, il y avait beaucoup de par exemple, quand on parle de bourrée à la Renaissance, la bourrée c'est une danse de la Renaissance. Il y en avait beaucoup. Il y avait des branles, des menuets. Le menuet c'est baroque, pardon. Mais sarabande c'est une danse de la Renaissance où on a ralenti le tempo pour en faire une pièce instrumentale, mais au départ c'était une danse Renaissance. Okay. Donc du coup, toutes les suites de danse qui se sont. se sont ajoutés petit à petit. Voilà. Et pour ma part, j'en aurais terminé. D'accord, bah, merci pour tout. Juste la question que, bah, déjà, on peut t'applaudir encore une petite fois. Quand même. Voilà. Hey, c'est bientôt l'heure de bosser là, les gars. Ouais, ça fait mal. Mais du coup, si on veut te revoir, c'est quoi ton actualité? Si on veut te réécouter, c'est quoi les prochains concerts? C'est une bonne question. J'en sais rien, j'ai pas du tout l'agenda, c'est trop tôt. Là. Ok, ça marche. Pour venir reposer la question dans 2 heures, okay. Ça ira mieux. Eh ben c'est, on fait comme ça. On t'appellera au boulot. C'est, tu bosses à la chapelle Corneille. Ouais. T'es régisseur, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai cherché, je t'ai stalké sur LinkedIn. Ah ouais. Ouais. J'ai toutes les infos sur toi là. Bonne journée. Quoi. On peut pas décaler le créneau à 8h30 parce que c'est 8h30. On peut pas. Là, c'est, voilà, c'est, non. Je baisse le son dans l'heure. Alors, bon, voilà, c'est le concert petit-déj. On arrive sur le dernier créneau, la dernière heure de Web Radio Crochet. Après, c'est 24 heures de direct, marathon de 24 heures. Donc, c'est la 24e heure que je suis éveillé. Ouais, avec une petite tricherie de 1h30 de sommeil, j'avoue, une petite micro-sieste. On va mettre une petite chanson de transition. Et puis après on va retrouver les quelques derniers survivants de cette belle aventure. On va faire un petit bilan. Ouais, voilà, c'est ça va être détendu. Du coup je vais mettre un petit coup de Népal parce que j'apprécie ce groupe. Donc là c'est un morceau qui s'appelle Jugement. Et je mets lecture. On m'a dit une fois que j'étais condamné. J'ai répondu gars, t'aimes pas, c'est pareil. Couronne sur nos têtes depuis des années. Hey, ils croient trop en leur jugement dinguerie, ce vie je vais canner. Si je meurs juste à côté, c'est la défaite. Bloqué dans le mud, où l'humain a faim et les plaisirs sont toujours tarifés. Ils peuvent se par la fenêtre. Si le bar est léger, j'ai rien à faire. Ils s'invitent à la fête. L'œil de Sauron s'affole, y'a du shit dans la nacelle. On macère, on assète. Foutu faculté qui fait qu'on se bonifie avec le temps ou qu'on fane. Que des choix à 7 heures, 6 sec, du guérit. Plutôt que d'entendre ce que c'est qu'on racontait leurs faits et gestes. Je taille au sud de la constellation d'Orion, transformé l'essai. Costard, black. Dismissia la matricelle. Bug. À croire qu'ils sont bons qu'à se faire écorcher leur blaze au comptoir du star. Pas de case neuve. Si tu fais pas les bails, t'as peur. Backpacker, mais rajoute un branchement et un canapé à air. Chaque jour dédié à quitter le chemin créé par les pères. Chaque jour à bosser les mêmes moves jusqu'à ce qu'on les perde. Sur la tête promise pour les années à venir, mes reflets dans la guillotine, rouler les déricots, j'ai retrouvé par défaut simple raison vivre. On m'a dit une fois que j'étais condamné. J'ai répondu gars, t'aimes pas, c'est pareil. Couronne sur nos têtes depuis des années. Trop en leur jugement dinguerie, ce vie je vais canner. Vois comment je dis, je suis ma propre référence à ma propre punchline. On ne fait que le taf, on écoute pas le reste. Je suis le meilleur dans ce game, même si le cœur bat pas. J'envoie cette force, rien de plus, j'ai pas besoin de force. Et le son leur part, bon gré malgré le dealer d'heure. A de la cons pour qu'ils comblent leur tard. Se dit